collaboratrice de Radio France. Les 15, 16 et 22 septembre. Trois dates pour l'événement musical de la rentrée. Réservation maisondelaradio.fr. Bonne fin d'après-midi à l'écoute de France Inter. Il est 17h, le flash, Dominique Delarroy. Bonjour Dominique. Bonjour Bernard Cazeneuve. Et ce soir à Calais, 8e visite du ministre de l'Intérieur qui vient proposer des solutions pour tenter de régler le problème de la jungle et les tensions qu'elle génère. Bernard Cazeneuve propose notamment la poursuite par étapes du démantèlement du campement surpeuplé de migrants, ainsi que des policiers supplémentaires, 200 hommes de plus, pour intervenir notamment contre les agressions contre les camions qui prennent le tunnel sous la Manche. Jean-Pierre Devigne, patron de RDV Transport, était l'invité du journal de 13h. Moi-même, cette nuit, j'ai été victime encore de trois attaques sur trois de mes véhicules. Les migrants reculent sur la 16, ils n'hésitent pas à bloquer la 16 avec toutes sortes de choses, des troncs d'arbres, des bouteilles enflammées ou tout ce qu'on veut, et ils bloquent nos camions pour y grimper. La tactique étant de monter en grand nombre dans les remorques et en espérant que quand la police va les déloger, il en restera quelques-uns à l'intérieur qui réussiront à passer. Nos demandes, c'est un plan d'urgence, c'est évidemment le démantèlement de la jungle. C'est un nombre de forces de l'ordre adaptées parce qu'il y a de plus en plus de migrants, mais à notre avis, le nombre de forces de l'ordre reste stable sur le Calaisis. Nous demandons également l'indemnisation des préjudices subis. Et également, un gros problème, la suppression des amendes britanniques, parce que les border force anglais nous prennent, nous transporteurs, pour des passeurs. Et j'ai moi-même payé un lourd tribut depuis quelques années, j'en suis entre 35 et 40 000 euros d'amende. Jean-Pierre Devigne qui ira, comme de nombreux collègues routiers, ainsi que des commerçants et des habitants de Calais, manifester lundi matin sur cette autoroute A16. Et à ce propos, donc, Bernard Cazeneuve promet la poursuite du démantèlement de la jungle, mais donc il confirme par étapes. À Strasbourg, Manuel Valls inaugurait la foire européenne. Le Premier ministre a dit à cette occasion sa crainte de voir l'Europe submergée par le populisme et une vague de repli sur soi. Oui, l'Europe peut se défaire, a-t-il mis en garde. Il a rappelé le rôle que devait jouer, selon lui, la France en Europe au lendemain du Brexit. Le Brexit, on va en parler, on va en discuter ce soir. François Hollande et Angela Merkel se retrouvent tout à l'heure à Évian à l'occasion des 25e rencontres franco-allemandes entre dirigeants de grandes entreprises des deux pays. Une rencontre qui doit leur permettre de s'accorder avant le sommet de Bratislava dans deux semaines. Parmi les dossiers qui fâchent, le dossier TAFTA. Paris souhaite, contrairement à Berlin, mettre un coup d'arrêt aux négociations sur ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Paris, qui s'est fait tancer ce matin par Bruxelles, Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques, juge qu'il n'est pas pertinent de suspendre les négociations. Brexit toujours, 20 ministres européens de l'agriculture étaient réunis aujourd'hui au château de Chambord, un cadre prestigieux, pour tenter de trouver une position commune sur la future politique agricole commune après la sortie de la Grande-Bretagne. Une réunion qui intervient en pleine crise de l'élevage du lait et des céréales. Plusieurs syndicats agricoles avaient appelé à manifester devant le château. Le Brexit et le séisme qu'il a causé dans l'Union européenne ne détruiront pas une de ses plus importantes politiques de solidarité, la PAC, affirme ce soir les 20 ministres. Placés en détention, en rétention, les individus fichés S, c'est absolument impossible, déclaration de François Molins, procureur de la République de Paris, qui dans une interview au Monde recadre sèchement ceux qui préconisent cette idée, notamment Nicolas Sarkozy. Il ne peut y avoir de détention préventive en dehors d'une procédure pénale, c'est le socle de l'état de droit, rappelle le procureur. Et selon lui également, l'affaiblissement de l'état islamique en Syrie et en Irak renforce le risque de nouveaux attentats en France. Quand les organisations terroristes sont en difficulté sur zone, elles recherchent l'occasion de commettre des attaques à l'extérieur, dit-il, sans compter la menace du retour ou du retour. On sera à un moment ou à un autre confronté au retour d'un grand nombre de combattants terroristes. 9 nationalistes corses renvoyés devant la cour d'assises spéciale à Paris dans une enquête sur des attentats contre des résidences secondaires en 2012. Attentats revendiqués par le FLNC. Parmi ces nationalistes, Pierre Paoli, membre de Corsica Libera, mouvement indépendantiste, il avait été arrêté 7 mois avant la victoire des nationalistes aux élections territoriales. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir été le chef du FLNC pour la Corse du Sud. d'habitude, à l'époque des faits, ce qu'ils contestent. Cela faisait plusieurs semaines que des utilisateurs postaient en ligne des photos et des vidéos de leur smartphone Note 7 totalement carbonisé. Aujourd'hui, Samsung reconnaît des problèmes de batterie qui peuvent exploser. Le géant de la téléphonie annonce donc qu'il va suspendre les ventes de son smartphone vedette et qu'il remplacera tous les appareils déjà achetés. En France, le lancement était initialement prévu début septembre. Il faudra sans doute attendre quelques semaines. Nous allons à la Bourse de Paris, la bourse en belle hausse, Antoine Verlin. Eh oui, en effet, Dominique, puisque le CAC 40 gagne 2,11%, il est à 4533 points. Les investisseurs estiment que les indicateurs économiques américains publiés hier et aujourd'hui devraient inciter la Réserve fédérale des États-Unis à retarder la hausse de ses taux. En tout cas, elle ne devrait pas passer à l'action avant le mois de décembre. Alors, pour autant, l'euro, lui, ne bouge pas beaucoup. Il se négocie $11.60. Les cours du pétrole rebondissent très nettement, de plus de 2%. Le titre Total en profite pour gagner 2,5%. En fait, beaucoup de valeurs liées aux matières première en profite, comme Vallourec, plus 3,82%, ou ArcelorMittal, plus 2,81%. Veolia, plus 4,56%, 4,64% maintenant. Le groupe de services aux collectivités a réalisé avec succès le placement d'obligations en Chine pour 135 millions d'euros. Alors, il y a bien sûr aussi des baisses affectées par les perspectives décevantes d'un concurrent américain, Ingenico, perd 5,47%, mais le CAC 40 est quand même en belle hausse de 2,11% à 4533 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse, pour France Inter. Tous les dimanches matins, à 11h sur France Inter, on va déguster François-Régis Gaudry. Pour sa première émission de rentrée, on va déguster, vous sert sur un plateau, un célèbre fromage à pâte blanche, veiné de bleu et de vert. Bah quoi, on peut pas l'acheter plus souvent, du roquefort, non? Du mystère de son affinage, au tour de main pour le cuisiner, on explore le roquefort. Le dimanche matin sur France Inter, à 11h. À dimanche. Moi, c'est Lucas, 26 ans. Et toujours pas le permis. J'ai attaqué le code il y a des mois, mais je m'entraîne pas assez. J'avoue, parfois, je manque de sérieux. Sauf pour une chose, ma santé. Alors, pour ma mutuelle, j'ai choisi MGEN. Pour eux aussi, la santé, c'est sérieux. Au point d'innover avec le programme connecté Vive Optime, qui m'aide au quotidien à être en forme. MGEN a même créé une appli mobile qui me permet de compter mes pas. En attendant d'avoir le permis. Lucas a choisi MGEN. Et vous? Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgen.fr. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Mystère, le nouvel album de la femme. Nous sommes la femme. Notre deuxième album s'intitule Mystère. Une clé qui vous permet de pénétrer nos fantasmes, notre folie et notre besoin d'exulter. Où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels? La femme sera en tournée dans toute la France. Et en concert au Zénith de Paris le 27 janvier. Retrouvez-nous dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. France Inter, bientôt 17h08 à 18h, le journal avec Florence Paracuelos. Et maintenant, si tu écoutes, j'annule tout, Charline Van Anacker. Et Dominique Delaroa, merci. Alors vous là, qu'est-ce que vous avez annulé? Mes vacances, voilà. Oh, c'est beau. Ah bon? Ah bon, vous avez annulé, d'accord. Il était temps. Je ne sais pas si c'est très crédible, va falloir travailler ça pour la semaine prochaine. Merci Dominique pour les infos. Et puis nous, on va parler aussi un petit peu d'actualité, de celle de notre invité. Donc on en a discuté ce matin, comme dans toute rédaction qui se respecte, même le travail, si nous, on tout. Est au fond de la classe, près de la fenêtre et du radiateur, donc ça se passe comme ça. Salut les amis. Salut Charlie. Ah, je suis contente de terminer la semaine avec Patrice Lecomte. Ah ouais, un super cinéaste. Il est cinéaste, Patrice Lecomte? Bah, bien sûr qu'il est cinéaste. Ah, je crois qu'il était chroniqueur chez Nouna. Ah oh, oui, Nouna, c'est fini. Ça. Bon, alors je voudrais qu'on trouve un sujet sur le cinéma. Oui. Ah, mais il y a un article sur un logiciel qui écrit les scénarios. Ah, ça va l'intéresser, ça, oui. Et ouais, et le logiciel est capable de dire comment les scènes doivent se terminer et comment les personnages évoluent. Ça, je peux vous l'expliquer, ça. Ah bon? Ah bah, moi, pour écrire les comptes de rédac, j'en utilise un, quoi. Non. Ouais, comment vous croyez que c'est aussi drôle tous les jours depuis plus de 2 ans? Bah, je veux pas de ça d'ici, moi. Bah, hein. C'est comme ça. Par exemple, le logiciel, il trouve que c'est mieux quand tu t'énerves fort. À la fin du sketch. Mais je m'énerve jamais, d'abord. Tu vois, la mauvaise foi, eh ben, ça apporte quelque chose narrativement. Quelle mauvaise foi, hein? Répétition, rire. Non. On est une équipe d'artisans, alors on se doit de trouver nous-mêmes la sève de l'inspiration, la création, ça doit venir des tripes, comme ça, pas d'une machine. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est beau. C'est beau, mais c'est pas efficace. Tu sais, aux échecs, Kasparov, il a perdu contre la machine, c'est comme ça. Hein. Non, comme ça, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Tiens, pour la conf de rédac d'aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'il te dit ton ordinateur? Il m'a dit de prendre un des 3 sujets du jour. Oui, bah tiens, prenons les logiciels, justement. Ouais. de mettre en opposition un gars, moi, contre les trois filles. Ah bah bravo le sexisme, bravo. Et puis une des filles pleure en t'écoutant. Je sens que ça va être moi. Il y a des chances. Et puis le personnage principal est de mauvaise foi. Mais je ne suis pas de mauvaise foi, enfin. Et ça se répète trois fois. Maman, ça suffit, hein. Moi je refuse de jouer dans un sketch écrit par une machine, voilà. Je suis une artiste au service d'une œuvre, moi monsieur, sur le service public, voilà. Les machines, ça sert juste à faire du café et j'y vais de ce pas d'ailleurs. Et à la fin, tu t'énerves fort. C'est beau. France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui a mûrement réfléchi avant d'accepter la démission de l'actualité. Et voici les trois informations qui ont la ferme volonté de reprendre leur liberté jusqu'à 18h. Faut-il supprimer l'ENA ? C'est une proposition de Bruno Le Maire. Alors là, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Que le pouvoir soit... Ah, il en a marre ! Voilà, c'est ça. Que le pouvoir soit confisqué par quelques-uns, dont lui-même, puisque lui-même sort de l'ENA. Et pourquoi vouloir supprimer l'ENA, Bruno ? Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Les athlètes français viennent d'arriver à Rio pour participer aux Jeux paralympiques qui s'ouvrent la semaine prochaine. Côté français, on suivra notamment le tennis, la natation. Il y a aussi le curling en fauteuil roulant. Mais ça, France 2 cherche une case pour en diffuser un horaire où il y aurait encore moins de monde qu'en pleine nuit. Des jeunes anglais ont inventé un algorithme qui permet de corriger les scénarios pour assurer le succès des films au cinéma. Alors il a été testé et ça marche, voilà le résultat. Merci, thank you aux Oscars. Si on m'avait dit qu'un jour je tournerais avec Leonardo DiCaprio dans Titanic 2, je l'aurais jamais cru. La lue, quoi. Et pour m'accompagner, il est revenu, il est à mes côtés, le directeur de la rédaction des blagues, Alex Vizorek. Et oui, il a sélectionné une belle équipe pour aujourd'hui, 17h20. C'est le retour de pas mal de monde aujourd'hui. Lui, il nous expliquera l'actualité grâce aux techniques de scénario, c'est-à-dire qu'il détricote ce qui est cousu de fil blanc. Autant dire qu'il lui reste de la pelote. Bonjour Thomas Bilguin. Mais bonjour, comment allez-vous ? Mais bien. Quel plaisir de vous revoir tous. Je vais parler d'enthousiasme. Ah, ça tombe bien ça. 17h30, l'intelligence supérieure de cette émission. Donc elle dénote avec les autres intervenants. Bonjour Isabelle Sorrent. Bonjour les amis. De quoi on parle ? Eh ben, je vais vous parler de Pokémon. Ah oui, pardon. 17h40, vous ne comprenez rien à l'actualité musicale, il vous l'expliquera et après vous ne comprendrez toujours rien à l'actualité musicale. Thomas VDB de retour. Bonjour Alex, moi aujourd'hui je vais vous parler des chanteurs qui pensent que ça nous intéresse de savoir pour qui ils votent. 17h55, ma chanteuse française préférée refait une saison avec nous, Frédéric Fromet sera là. Et je me tourne maintenant vers celui qui a tout annulé pour présider cette émission. Vous êtes un représentant de la diversité. Oui, puisque vous avez réalisé des films aussi différents que Les Bronzés, Ridicule ou La Fille sur le Pont. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Patrice Lecomte. Oh oui, oui, oui. Le Patrice Lecomte. Patrice Lecomte. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et bonjour. Et bonjour. Donc j'ai tout annulé. Oui, oui, oui. Et quoi ? Qu'est-ce que vous aviez annulé, par exemple ? Là, qu'est-ce que vous auriez pu faire à un vendredi vers 17h ? Reprendre ma voiture et repartir à la campagne. Ah, par vous avez différé votre tour à la campagne. Je repartirai demain. Pour notre plus grand plaisir. Et vous recevoir nous permet de parler d'une série de programmes courts qui sera bientôt diffusée à partir du 7 septembre, juste après le 20h de France 2, et qui s'appelle « Vestiaire ». Quel vestiaire ? Ceux du handisport. C'est une série humoristique jouée par des comédiens qui ont chacun un handicap différent. Vous avez réalisé l'un des épisodes qui sera diffusé du 7 au 18 septembre pendant les Jeux paralympiques. Et puis il y aura une autre session. Vous avez réalisé plusieurs épisodes en novembre jusqu'en janvier. C'est humoristique, c'est vraiment très drôle. L'humour sur le handicap, ça ouvre des possibles énormes. Oui. Il y a des trucs que les valides ne peuvent pas faire. En deux mots, ce qui s'est passé, c'est qu'un ami d'un ami m'a contacté en disant « tu devrais rencontrer un tel ». Bref. Et j'ai rencontré ces gens-là, les producteurs et les auteurs et les acteurs de cette série. Cette année, c'est la 6e saison, donc c'est pas n'importe quoi. Et quand j'ai été regardé, avant d'aller prendre un verre de vin blanc à la coupole avec eux, quand j'ai été regardé sur YouTube ce qu'ils avaient fait, je regarde très peu la télévision. J'écoute plus la radio. Ah. Oh. Et donc, quand je suis allé sur YouTube pour voir ce qu'ils avaient fait, je suis tombé de ma chaise. Parce que la qualité de l'humour, de l'autodérision, comment est-ce qu'ils arrivent à se moquer d'eux-mêmes, ça m'a donné des ailes. Et quand ils m'ont dit, avant même qu'on se dise bonjour, j'aurais dit je suis d'accord. Pour écrire, pour tourner, pour participer, pour être avec vous. Parce que ce que j'ai écrit... n'arrivent même pas à la cheville de ce qu'ils ont écrit eux. Et en tout cas, j'aurais jamais osé l'écrire si j'avais pas été mis à l'aise. Oui, on peut dire ça. Quand nous, humoristes, on fait des vannes sur le handicap, beaucoup de valides nous tombent dessus en disant « Mais comment vous osez dire ça ?» Oui, mais vous avez raison. Mais, c'est souvent le cas. Vous mais ce voir. Sont les valides qui vous tombent dessus. Exactement. Mais pas les handicapés. Donc, j'ai jamais su si on disait les handicapés ou les handicapés. Donc on s'en fout, les haricots, les haricots. Oui, les... Bon, le H est un peu aspiré. Je sais pas. Là, on aspire le H ? Oui, c'est plus heureux sans la liaison, moi je trouve. C'est un avis. Alors, si vous, chez vous, réfléchissez. Hein, bon. Vous avez jusqu'à 18 ans. Et quand Tim Seed, par exemple, avait fait un sketch assez gratiné sur Petrucciani, le pianiste qui aime... Enfin, qui est très handicapé, le pauvre, il s'est fait tomber dessus à bras raccourcis, c'est le cas de dire, par des valides, alors que les handicapés voyaient ça. C'est que. On en revient toujours à la même chose. Après, j'arrête, rassurez-vous. Ah non, mais non, on en mais revient toujours à la même chose, c'est qu'une question de regard. De regard sur l'autre. Et quand on croise, c'est très simple, ça nous arrive tous les jours, à chaque instant, dans la rue, quand on croise quelqu'un d'handicapé, quelqu'un qui pèse 350 kilos, quelqu'un qui a un handicap, qu'est-ce qu'on fait généralement ? On regarde ailleurs. Et c'est la pire attitude du monde. Mais de la même manière que quand y a des gens qui tendent la main et tout ça, un regard bienveillant, un sourire... C'est pas de la compassion, hein. c'est une forme de bienveillance ou du être avec. Et moi, j'ai appris ça. Et de banaliser oui. la et, chose. Et sincèrement, d'avoir tourné ces 5 ou 6 épisodes pour Vestiaire, ça m'a appris beaucoup. J'ai eu l'impression de progresser d'une certaine manière dans mon attitude, dans mon regard, dans ma décontraction vis-à-vis des handicapés. Alors, j'arrête. Non, j'ai une petite dernière question tiens, sur ce sujet, en attendant d'en reparler, parce qu'on a choisi un sujet sur les Jeux paralympiques. Quand on regarde les vidéos, il y a des handicaps plus visibles que d'autres. Je me dis, est-ce qu'il y a un moment où vous, en tant que réalisateur, vous devez dire au comédien « Michel, relève un peu l'épaule parce qu'on ne voit pas bien ton moignon ». Oui, c'est un petit peu arrivé. Oui. Alors, je pose la question sérieusement, hein, ça pourrait paraître pour faire une blague, mais c'est pas du tout ça. Vous devez réaliser en fonction. Oui, de... mais sincèrement, comme les gags, les situations sont fondées, sont basées sur le handicap. À la fin d'un film que j'ai tourné qui passe à la piscine. La chute, c'est un handicapé qui dit et sans les bras, c'est plus dur encore. Et effectivement, cet homme n'a pas de bras pour nager dans une piscine. Ouais. Et on a fait une première prise et je ne voyais pas bien qu'il n'avait pas de bras. Et je lui ai dit, montre-moi davantage que tu n'as pas de bras. Ouais, voilà. Mais ça ne m'a même pas gêné. Mm-hmm. Parce que j'étais avec eux, parce que je me sentais bien, parce que je crois que j'ai un petit peu changé. Et c'est ce qu'on appelle le droit à l'indifférence. Mmh. Voilà, Patrice Lecomte est avec nous. Je vous encourage à voir ce programme court, vous verrez sans doute, puisque c'est après le journal de 20h de France 2. Ça s'appelle Vestiaire, du 7 au 18 septembre et puis à partir de la mi-novembre. Vous êtes sur France Inter. Cette fois, je crois que nous sommes complètement ça y est. Mais c'est une question que c'est absolument ça de faire. Parce que se ronger les sens, ça serait tout à fait, il n'y a pas de quoi. Alors moi, je sens que je ferai pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Quand la vie semble inévitablement se foutue, on se dit qu'il vaudrait mieux être tout à fait, c'est pas ça. Et malgré tout, on reste totalement, on fait comme on a dit. Alors moi je ferai pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Se flinguer, il n'y aurait plus question de remettre nous sa patron. Et dans ma tête, je suis véritablement, j'en veux plus. Et je me sens vaguement où va-t-on nous. Alors je ferai pas long feu. Pas l'enfeu, pas l'enfeu ici, pas l'enfeu. Gainsbourg sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Patrice Lecomte. Et pour l'entourer, Alex ? Pas que lui, il y a Thomas VDB, il y a Thomas Bidguin et il y a Isabelle Sorens. Et à cette heure-ci sur France Inter, à 17h20, donc presque. Presque quelque chose. Enfin, presque de l'info et tout ça, quoi. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Voici les titres. Jean-François Copé annonce qu'il a obtenu le nombre de parrainages pour la primaire à droite. Oui, cette fois, on est certain que c'est pas François Fillon qui les a comptés. Le livre de Nicolas Sarkozy se vend très bien, 34 000 exemplaires en 3 jours, il est numéro 1 des ventes. Oui, cette fois on est certain que Jean-François Copé a aussi renoncé à compter. Oui, nous aurons l'interview d'ailleurs exclusive, oui, hein, du livre. Ce livre, et il y aura des brèves, parce que c'est plus drôle qu'un livre de Nicolas Sarkozy. Ça c'est pas sûr. Et c'est sûr. Non, c'est pas sûr que ça soit plus drôle que les... On commence par la politique. Oui, le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, a affirmé que la baisse d'impôts en 2017 serait annoncée la semaine prochaine. Ah, François Hollande est en campagne. C'est cela. Le livre de Nicolas Sarkozy est donc numéro un des ventes. Nous avons une pensée émue pour tous les écrivains de la rentrée, oui, qui se trouvent derrière lui dans ce classement. Ça n'a pas été évident. Quant à Jean-François Copé, il participera donc à la primaire à droite. Oui. Oui, nous avons une pensée pour les 13 autres candidats qui sont déjà assurés de ne pas finir dernier du classement. Tout à fait. Alors, passons tout de suite à l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas entendu ailleurs. Puisqu'aujourd'hui, Alex, vous interviewez justement le livre de Nicolas Sarkozy. Bonjour, Tout pour la France. Oui, bonjour. Vous avez vu 34 000 exemplaires en 3 jours. Je suis en train de tous les niquer, là. Écrire plus pour vendre plus, c'est mon slogan. Comment vous expliquez que les Français se passionnent pour vous comme ça ? Oh, se passionnent. Les Français m'achètent. Hein, j'ai pas dit que les Français me lisent. Ah bon ? Bah, ils m'achètent comme un livre de Yann Arthus Bertrand, quoi. Ça fait joli sur la table du salon. Vous pensez que les acheteurs font une autre utilisation de votre personne, oui ? Non, bah, j'en ai plein le dos, ils m'utilisent comme talonnette. Ah oui, d'abord. Merci Tout pour la France. Société à présent. Oui. Pour prévenir les accidents dans le métro, la RATP a embauché des jeunes femmes déguisées en hôtesses de l'air. Elles ont pour mission de réciter aux usagers les consignes de sécurité à la manière du personnel aérien. Voilà, très belle initiative qui permet aux pauvres d'imaginer qu'ils prennent l'avion. Ça existe déjà, ça, Alex, ça s'appelle Ryanair. Ah oui, c'est vrai, football. Les Bleus ont gagné hier contre l'Italie, la Belgique, elle, a perdu contre l'Espagne, et pourtant, elle a désormais Thierry Henry pour entraîneur adjoint. Donc le seul Français qui a perdu hier soir, il est belge, on est foutu. C'est ça. Oui, je me demande si Didier Deschamps l'a pas envoyé chez nous pour foutre la merde, un peu comme Hollande a fait avec Jean-Vincent Passé, c'est les écologistes, je sais pas. Télévision, oui. Canal Plus fera sa rentrée lundi avec une nouveauté, Mouloud Achour présentera le gros journal. Oui, apparemment, Mimi Mathy aurait été contactée pour le tout petit journal. On termine par faire deux brèves. Handicapé. Oui, on peut. On termine par deux brèves. Oui. Portugal, une chaîne sportive engage des prêtres pour commenter le football. Et oui, apparemment, ils souhaiteraient essentiellement commenter les matchs des moins de 12. Le quotidien Nice Matin félicite le tueur d'une raie papillon de 72 kilos, une espèce pourtant menacée, et cela photo à la pluie. Ça, Nice, c'est bizarre. Hein. On interdit le burkini, mais on encourage à montrer la raie. Vous êtes sur petit France chic, Inter. Petit jeu de mots, chic, élégant. Il est bon de le rappeler, voilà, après ce genre de brève. Nous sommes en compagnie de Patrice Lecomte et on va aborder avec vous le premier sujet. L'École nationale d'administration, l'ENA, est-elle responsable de l'état du pays ? En tout cas, elle forme ceux qui le dirigent. Bruno Le Maire propose de la supprimer alors que c'est là qu'il a été formé. Alors pourquoi a-t-il changé d'avis ? Eh bien en allant sans doute à la rencontre des vrais gens de la vraie vie, hein, qui lui ont donné leur avis sur l'ENA, sur cette question. Je suis fier d'être un self-made man. Puis entre avoir une famille épanouie ou avoir des diplômes, le choix, il est vite fait. Hein. Vous savez ce que je leur dis, moi, tous ces petits cons prétentieux là qui sortent des grandes écoles ? Prenez un Villepin ou un Jospin. Ben, ces mecs-là, ils ont beau avoir fait l'ENA, mais mettez-les à un carrefour pour voir. Ben, en deux minutes, il y a un embouteillage. Bruno Salomon dans Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2. Alors c'est un sujet qui est à la une du journal La Croix aujourd'hui. Alors vous, Patrice Lecomte, est-ce que vous avez un avis sur cette question ? Est-ce que vous pensez que la situation de la France, elle est due en partie à la formation de nos élites et donc au système ? Mais ce qui s'est passé, c'est que, comme je ne suis pas très au courant de tout, j'ai cru que l'ENA, c'était l'école... nationale d'alimentation et j'ai pensé en alimentation et j'ai pensé qu'il y aurait une pénurie dans les supermarchés si on supprimait l'ENA. Oui. Quand j'ai appris que c'était l'école normale d'administration, ça m'a un peu soulagé. Ça m'a soulagé qu'on la supprime. Et bien sûr, parce que on est envahi d'administration, de paperasse, de trucs, enfin pénible quoi. Voilà. Donc supprimons l'ENA. Supprimons les ânes aussi. C'est la même chose à l'envers. Supprimons tout ce qui est en trop. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais l'idée d'institutionnaliser une formation, c'est valable ici pour l'administration, mais ça pourrait être valable pour réalisateurs de cinéma. Ah non. Mais justement, c'est quand même bien ceux qui prennent les chemins de traverse. Oui, oui, mais enfin, si vous commencez à comparer l'administration au cinéma, on ne va pas être copains. Attendez, attendez Patrice Lecomte, parce que l'école dont vous rêviez, est-ce que c'est bien l'IDEC, IDHEC ? Oui, mais je très croyais, prestigieuse. Je croyais à l'époque que c'était l'Institut des hautes études catholiques. vous dites que vous en rêviez, c'est la grande institution, et qu'elle s'est révélée poussiéreuse et archaïque, je vous cite, sans contact avec le vrai cinéma. Vous avez raison, absolument raison. Mais il se trouve que je suis d'origine provinciale, de Tours, donc le fait d'être reçu à l'IDEC, qui était un institut prestigieux, vu de l'extérieur. Parce qu'il était à Paris ? Oui, puis parce que c'était l'IDEC, parce que des grands réalisateurs, pas très nombreux, avaient fait l'IDEC. D'être admis à l'IDEC, quand on sait qu'il y avait, je me la pète deux secondes, après j'arrête. Il y avait 6 places pour 800 candidats. J'étais un des 6. C'est ça le prestige, le prestige du concours, ouais. C'est comme ça qu'on vous attrape. Et toujours est-il que de monter à Paris, de présenter l'IDEC, de concourir à l'IDEC, d'être reçu au concours de l'IDEC, c'était, pour moi, c'était un petit peu comme le plus beau jour de ma vie, quoi. C'était comme un rêve. Il se trouve que l'IDEC, à l'époque, c'est devenu la FEMIS, qui est une école formidable, mais vraiment formidable. Très réputée, oui. Et que j'aurais adoré faire, mais il aurait fallu que je sois né un petit peu plus tard. Et de faire l'IDEC, c'était très prestigieux. Et je me suis rendu compte de l'intérieur que c'était très poussiéreux. C'était un vieil institut. Juste un exemple. Oui, allez-y. Et paix à son âme s'il est décédé, sinon j'espère qu'il ne nous écoute pas. Mais vous n'avez pas l'air très au courant sur le décès des gens. pardon vous n'avez pas l'air au courant sur le décès des gens. Moi je sais que je suis vivant, oui, et le reste vous, je m'en fous. Bon, vérifiez. Mais il y avait un professeur de réalisation qui était, mais je vous parle d'un temps que les intermittents ne peuvent pas connaître, il était réalisateur à la télévision scolaire. Ça ne vous dit rien, la télévision scolaire, mais ça existait. Ah, il y avait une télévision scolaire. Ben, pour être réalisateur à la télévision scolaire, il fallait être à peu près aussi doué que le mec qui fait des chiffres et des lettres. Ah. S'il y a un plan, contre-plan, blablabla. On salue Laurent Romeshko. Ouais. Voilà. Oui. Ah, c'est vrai, il n'est pas mort. J'arrête avec les candidats sont morts, j'arrête avec les morts et les vivants. Et cet homme, j'ose pas dire son nom parce que si ça se trouve, il a des descendants. Cet homme qui était réalisateur à la télévision scolaire, c'est nous expliquer pourquoi, dans Monsieur Verdoux de Chaplin, il y avait une erreur de grammaire cinématographique parce qu'il passait d'un plan large à un gros plan. Et quand il nous a dit ça, j'ai dit bah, « continue à raconter tes conneries, moi ça ne m'intéresse pas ». Et c'est vrai qu'on était dans une espèce de forme un peu poussiéreuse d'enseignement. Et avec l'ENA, notre élite, elle est sélectionnée dès 20 ou 22 ans. Donc dès 20 ou 22 ans, sans expérience professionnelle, vous savez que vous êtes dans les tuyaux pour, bim, être haut fonctionnaire. C'est pas un peu tôt ? Haut fonctionnaire, ça veut dire un fonctionnaire avec des talonnettes. C'est-à-dire que les carrières sont figées, on décide dès... gamins à 20 ans. Bonjour les gamins qui nous écoutent. Oui, mais enfin bon, après ils sont ministres, ils n'ont plus d'acné, ça va. Bon. En tout cas, ça nous dit qu'ils ont été jeunes un jour, ça nous le rappelle et c'est une bonne chose. Ça, je ne suis pas sûr pour tout le monde. Et sachez que, par exemple, dans La Croix, qui consacre sa une au sujet, elle le compare par exemple avec l'Allemagne, où il n'existe pas de centralisation comme ça d'école du pouvoir. Ça se fait dans les universités, c'est souvent des doctorants qui deviennent ensuite hauts fonctionnaires. Mais le résultat, c'est quand même qu'il y a à peine 5% qui ont des parents ouvriers, puisque ce sont quand même des hautes études. Donc finalement, quelle est la bonne formule ? On ne sait pas. Peut-être c'est la formule de Thomas Bideguin, qui scénarise les choses, sûr, donc qui peut les inventer, les créer. Les amateurs de transition se sont réveillés. Je sens, oui, c'est merveilleux. Oui, donc voilà, c'est à moi à nouveau. Et je reviens pour vous parler de storytelling. Ça vous avait manqué. Oui. Mais ça ne passe pas toujours plus vite. Hein. Non. Et avec cette même ambition qui est de nous aider à lire le monde, ce monde que l'on nous vend comme un grand livre d'histoire, même si c'est écrit tout petit, en turc, et qu'apparemment quelqu'un a fauché la lampe de chevet. Le thème du jour, c'est l'enthousiasme. Parce que dans le storytelling, on a toujours besoin d'enthousiasme. Par exemple, si Captain America se dit « Ah ben non, je vais jamais réussir à sauver l'humanité. Ah, tout ce que j'ai, c'est un bouclier avec des dessins dessus. Bon, j'ai un costume moulant aussi, mais non, ça va jamais marcher. Ben, » si il se dit ça, et si donc la prudence l'emporte, il n'y a pas d'histoire. On a besoin d'enthousiasme. Et c'est pareil avec Scarface, avec Joséphine Ange Gardien ou avec le Karate Kid. Michel Blanc dans Les Bronzés. Ouais, ou, enthousiaste. Exactement. C'est comme ça, en tout cas dans Karate Kid 1, dans le 2 aussi. C'est un peu comme ça dans le 3 et dans le 4, je crois, c'est pareil. Donc, on a besoin d'enthousiasme. Et si ça marche pour une naine ou pour un enfant chinois de 11 ans, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg. Eux aussi, ils peuvent réaliser l'impossible. Il n'y a pas de raison. D'ailleurs, dans toute cette petite course à la présidence, ce petit concours de beauté qui va nous occuper tout au long de l'année, ce n'est pas autre chose, à droite comme à gauche, qu'une éblouissante démonstration d'enthousiasme. Même si pour l'instant, les primaires de gauche, par rapport à celles de droite, c'est un petit peu comme les Paralympiques. C'est-à-dire que c'est la même épreuve, mais en un peu plus déprimant. Sauf que maintenant, il y a Emmanuel Macron. Et on va voir ce qu'on va voir. Ah. Ah oui, parce que là aussi, quelle magistrale preuve d'enthousiasme. Il paraît que quand Emmanuel Macron a réalisé qu'Alain Juppé avait 32 ans de plus que lui, il a immédiatement eu envie de l'épouser. C'est la force de l'habitude, on ne sait pas. Alors, parce que qu'est-ce que c'est que l'enthousiasme ? Eh bien, ce n'est jamais, jamais, jamais qu'une mauvaise analyse des données. Prenons Jean-Pierre Chevènement, par exemple. Son téléphone sonne. On lui pose la question. Alors à ton avis, Jean-Pierre, on devrait choisir qui pour présider à la réorganisation de l'islam de France ? Bon, et là, il y a un blanc. Non, pas au téléphone. Non, il y a un blanc à la présidence de la Fondation de l'Islam de France. Un type blanc de 78 ans, ancien militant Algérie française. Bon, en même temps, en échange, on lui demande de ne pas se présenter aux primaires de gauche. T'as pas entendu, c'est déjà assez déprimant sans toi. Mais enfin, lui, voilà, Jean-Pierre, et c'est là qu'on s'interroge sur l'analyse des données, il dit, l'islam, ouais, pas de problème. Et il y va, avec enthousiasme, un peu le même enthousiasme dont a fait preuve Charles IX à la Saint-Barthélemy quand on lui a demandé de réorganiser le protestantisme. En général, donc voilà, les histoires qu'on nous raconte se développent en trois actes. L'enthousiasme, c'est le premier acte. Dans le deuxième acte, on assiste à la confrontation de cet enthousiasme avec la réalité. Et dans le troisième acte, on obtient ce qu'on appelle l'expérience. Voilà, le héros a avancé d'une case. J'explique pour ceux qui n'ont pas vu Karate Kid 4 et qui du coup comprendraient rien à l'actualité du monde. Donc voilà, l'enthousiasme, c'est le premier acte. Et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à observer les millions d'élèves qui reprenaient cette semaine le chemin de l'école. Moi, comme des millions de parents, je regardais mes enfants prendre leur petit déjeuner, le cartable déjà sur les épaules, en me disant « Qu'est-ce que ça grandit lentement !» Combien de rentrées encore ? Combien de petits déjeuners chaque année ? Le cartable un peu plus gribouillé, les céréales un peu plus extravagants. Et puis, j'ai pensé à ma rentrée, ici, devant vous, et je me suis dit que c'était, comme pour eux, une façon de célébrer chaque année, à la même période, la bienheureuse victoire de l'enthousiasme sur l'expérience. Thomas Videguin, voilà. Applaudi par Patrice Lecourt. Voilà, ouais, le storytelling et donc la déconstruction de ce qu'on essaye de nous faire. Vendre, oh, allez, de tout petit monde, de toutes ces petites histoires comme ça qu'on nous vend. Vous êtes sur France Inter avec Patrice Lecourt. Un petit mot, Patrice ? Non, ce qu'il vient de dire est parfait. Et ça se résume, mais c'était bien de le développer, hein, surtout comme vous l'avez fait. Mais ça signifie simplement, c'est que quand on part perdant, on ne peut jamais arriver gagnant. Voilà. Moi, ça m'a pris 5 minutes. Du mauvais côté, mais il y a la noix, pourtant il y a la noix, pourquoi la vie. la vie est belle. C'est Voodoo Game, c'est sur France Inter, en compagnie de Patrice Lecomte, qui réalise plusieurs épisodes d'un programme court qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Vestiaire, que vous connaissez sans doute, c'est la sixième saison. C'est après le journal de 20h sur France 2, et vous pourrez le revoir à partir du 7 septembre, puisque c'est le jour de l'ouverture des Jeux Paralympiques, on va en parler dans quelques instants, avec Patrice Lecomte. Et il y a aussi Isabelle Sorrente, qui est avec nous. Isabelle, vous allez nous rappeler cette histoire de Pokémon qui nous a tenus en haleine cet été, alors que le monde était à feu et à sang, il y avait quand même des Pokémon. Un petit brief sur les Pokémon. Alors, vous les reconnaissez donc à leur air concentré, à leur pas qui ralentit. On dirait qu'ils se servent de leur téléphone comme d'un détecteur de métaux. Ce sont, vous l'avez deviné, donc les chasseurs de Pokémon. Alors, faut-il dire oui ou non aux Pokémon? Personnellement, je fais mon coming out sur cette antenne. J'ai dit oui. J'adore chasser les Pokémon. J'adore ça. Et parce que ça ne sert à rien. Voilà, ça me plaît. Parce que ce n'est pas si fréquent dans notre monde dominé par la productivité, la rentabilité et ce genre de choses, de faire quelque chose qui ne sert à rien. Alors moi, ça me réconcilie avec l'espèce humaine de constater qu'au fond, on est nombreux à être accro aux choses absurdes et que l'être humain aime chasser des trésors qui ne servent à rien. En plus de ça, dans Pokémon Go, personne ne vous tire dessus, vous ne tirez sur personne et en ces temps anxieux, ça fait du bien. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas de cet avis. Il y a des gens qui détestent ça, les Pokémon. Pour un tas de raisons, ils détestent. Leur argument principal, c'est que ça distrait, que ça empêche de regarder devant soi, que ça peut faire des accidents. Je trouve cet argument assez amusant parce que vous le savez peut-être, il y a de plus en plus d'accidents de SMS ou de mails. Vous savez, ces gens qui sont pressés de répondre à un message urgent et qui du coup ils vont manquer une marche, ils vont se casser la gueule et ils vont se faire très très mal. Alors si vous tombez parce que vous travaillez en marchant, tout va bien. Si vous chassez le Pokémon, ce qui au passage est moins dangereux que répondre à un mail dans la rue parce qu'au moins vous voyez la rue, là, ça n'est pas OK. Ah, l'accident de travail, j'ai pas pensé. Et ouais. Au fond, ce n'est pas d'être absorbé par la technologie qu'on reproche aux joueurs, c'est de jouer. Il y a une peur du jeu qui est assez révélatrice de notre époque parce qu'il faut toujours que tout ce qu'on fasse serve à quelque chose et quand tout est rentable, jouer pour le plaisir, c'est le plus grand tabou. Si c'est amusant, c'est que ça cache quelque chose. Alors, pour un jour russe, Pokémon Go, c'est un coup de la CIA pour connaître nos données personnelles. Non, c'est vrai, Charline. Oui, comme si la CIA avait besoin de ça. Alors, le gouverneur de l'État de New York, ça c'est ce que j'adore, a interdit les Pokémon aux délinquants sexuels. Il fallait y penser. Donc, si vous êtes délinquant sexuel et que vous habitez New York et que vous attrapez un Pokémon, c'est triste à dire, mais votre liberté conditionnelle s'arrêtera là. Le gouverneur de l'État de New York a aussi demandé aux concepteurs de ne pas cacher de Pokémon dans les maisons des pédophiles. Et oui, c'est une sage précaution. Ce serait bien aussi de ne pas cacher de Pokémon chez les gens violents ou chez les tueurs en série. Ça ferait un assez bon début de roman noir. Une jeune fille blonde, aux yeux brillants, chasse un spécimen rare de Pokémon et tombe sur quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Elle surprend par exemple un secret d'État. C'est sans doute ce genre de risque que craint l'armée française qui a placardé des interdictions devant certaines de ses bases militaires. Interdit aux chasseurs de Pokémon. Non, ce n'est pas une blague. Hein. Vous pouvez aller les voir sur Internet. Ouais. Le jeu fait peur. Peut-être parce que le joueur est notre part la plus joyeuse, la plus libre, la plus impossible à soumettre. L'Arabie Saoudite a lancé une nouvelle fatwa anti-Pokémon. Une nouvelle, parce qu'il y en avait déjà une dans les années 2000. L'un des arguments est que les Pokémon évoluent, ils sont darwiniens. Et ça ne passe pas. Mais attention, il n'y a pas que les religieux qui excommunient les Pokémon. Le maire du village de Bressol, dans l'Ain, a produit un arrêté anti-Pokémon pour des raisons de sécurité. Alors, entre les arrêtés anti-Burkini et les arrêtés anti-Pokémon, nous avons passé un été torride. Maintenant, c'est c'est la rentrée. Najat Vallaud-Belkacem va interdire les espèces rares de Pokémon dans les écoles parce qu'ils attirent des hordes de chasseurs. Et moi, j'ai imaginé le gars de son cabinet qui a planché sur la note de synthèse intitulée « Pokémon rare ». Et je trouve que nous vivons une époque géniale. Pour conclure, j'ai parlé de ça à ma grand-mère qui a 96 ans, comme vous savez. Et elle m'a dit « C'est drôle, vous chassez les Pokémon, mais c'est parce que vous n'avez plus d'animaux. Autrefois, dans les rues, on avait des chevaux, des ânes, des oiseaux et on n'avait pas besoin de Pokémon. » Et tout on d'un avait coup, des Allemands aussi. On avait des Allemands, on avait tout. Et tout d'un coup, j'ai regardé d'un autre œil les monstres de poche parce qu'avec leur gueule de poisson et d'oiseau, c'est vrai qu'il y a quelque chose peut-être d'une nostalgie terrible de la nature perdue. Eh ouais, oh. Comme ça. Oh. Isabelle Sorrente, merci pour cette analyse. C'est comment intellectualiser le Pokémon ? Alors, c'est maintenant très que fort. Je sais que vous chassez, ouais. Apparemment, il y en aurait à la photocopieuse du cinquième étage. Mais j'en ai pas France vu Inter. Dans le bureau tout à l'heure. J'ai eu des infos de première main. Vous avez installé la pile. Ah non, non, moi je suis une bille en informatique et en truc, ce machin-là. Non, non, ça m'échappe. Vous êtes une extraterrestre. Ah non, on est nombreux. Eh bien, voilà, c'est l'invasion d'un extraterrestre. En trois semaines, il y avait 5 millions de personnes. C'est le grand avait... remplacement. Non, mais je suis complètement étranger à ça. J'en suis ni fier ni honteux, je m'en fous. Voilà. Pardon de terminer comme ça. Je suis horriblement blessée. Mais on a le droit de s'en foutre. Oh. Et d'ailleurs, jusqu'à 18h, c'est ce qu'on fait. On piétine l'actualité ensemble avec Patrice Lecomte aujourd'hui. Et on va aborder le deuxième sujet, les Jeux paralympiques de Rio qui s'ouvrent le 7 septembre. La délégation des athlètes français est déjà sur place. Avec le porte-drapeau. Oulala. Avec le porte-drapeau. Le porte-drapeau. C'est vendredi, c'est la première semaine. Je vais faire une pause, je respire. On recommence. J'aspire mon H. Avec le porte-drapeau, le tennisman Michael Jérémiaz. François Hollande aussi s'entraîne. Non pas qu'il soit manchot, mais lors des derniers jeux. Si. Attendez. Il n'a pas ébloui par ses performances lorsqu'il a félicité la médaille d'or du 200 mètres, Anissa El Hanouni. Bonjour. Félicitations. Merci beaucoup. À la fois pour la course, pour la médaille et pour la Marseillaise. Elle était magnifique. Ah ouais. Moi j'en ai bien profité. Ah ouais, mais nous aussi. Hein. Vous voir comme ça, puis la fin était tonique hein, aux armes. Bah, il fallait. Hein. Bon et bravo pour l'accompagnement, la technique, parce que ça suppose à la fois de la vitesse et de la technique. Ouais. Hein. Bon. Vous avez aimé ? Beaucoup aimé. Puis on vous a vu faire le tour du stade, on vous a essayé de vous faire signe. Vous... Moi perso, de là où j'ai voilà, c'était vraiment impossible. Ouais. Merci Monsieur le Président. Oui, vous avez remarqué un truc dans le... Vous avez remarqué ou pas ? Ouais, j'ai essayé de vous faire signe. Ouais. C'est ça ? Ouais, exactement. Voilà, Anissa El Hanouni est non-voyante. Okay. Et lui a fait, on essaie de vous faire coucou depuis les tribunes. Ouais, il est amusant. C'est ce qu'on appelle une boulette. Voilà. Alors, la boulette. Elle est gentille, elle dit non, on ne l'a pas vue. Les Jeux paralympiques qui s'ouvrent donc le 7 septembre à Rio. Alors finalement, heureusement qu'il y a ce super champion de tennis, Michael Jérémiaz, pour enfin faire briller le tennis français au plus haut niveau, avoir un espoir de médaille d'or. Et finalement, donc le sport paralympique, c'est aussi celui qui peut redonner espoir aux valides, non ? Oui, c'est vrai, mais quand dans les équipes de France, les gens entrent sur le stade en disant on n'est pas des manchots et qu'on se rend compte qu'ils sont des manchots, parfois, eh bien, vive les Jeux paralympiques. Vous allez les regarder, vous, un peu, en ayant réalisé les vestiaires, justement, et en ayant un regard neuf sur le handicap ? Oui, peut-être, un peu, si je tombe dessus. Mais je ne suis pas un très, très bon téléspectateur. Je zappe beaucoup en fumant des clopes. Mais si je tombe dessus... Parce qu'il y a un progrès qui est fait de la part et des organisations des Jeux Olympiques. Par exemple, Londres 2012 a été un tournant dans l'organisation avec beaucoup de moyens pour les mettre en valeur. Et la télévision a suivi, en tout cas chez nous, sur le service public. France Télévisions a finalement fait un effort et la prise de conscience mais c'est effectivement très, très important parce que c'est un petit peu comme le Tour de France féminin. Personne n'est au courant du fait que, après c'est le Tour de France... C'est un handicap comme un autre, hein, d'être femme sur un vélo. C'est un avis de Laurent Fignon à l'époque. Merci beaucoup. Non, mais c'est, vous c'est... allez développer plus tard, mais moi je ne rentre pas là-dedans. Mais c'est vrai que le Tour de France féminin, il y a un Tour de France, c'est des femmes sur des vélos et qui font le même circuit après tout le monde et tout le monde s'en fout. Et les Jeux paralympiques, ça a lieu après les Jeux olympiques. Mm-hmm. Je ne dis pas que tout le monde s'en fout parce que tout le monde s'en fout pas, mais c'est vrai que ce n'est pas tellement relayé par les médias. Et si ça se faisait avant, par exemple ? Les Jeux paralympiques avaient lieu avant. Et si ça se faisait pendant ? Ah oui. Ce serait mieux que tout. Ah, ce serait formidable. C'est la bonne idée, ça. D'ailleurs, Mickaël Jérémias explique qu'il a rencontré un jour Djokovic et qu'il a joué avec lui au tennis et que Djoko était incapable de relancer la balle si elle n'arrivait pas sur lui. Ce qui fait que le plus grand champion actuel de tennis vaut zéro devant le champion handisport. La difficulté de maîtriser la chaise roulante. Oui, voilà, exactement. Incapable, il explique que ses bras sont devenus ses jambes. Mmh. Voilà. Il a été reçu par Léa Salamé cette semaine, la matinale. Je vous conseille, si vous voulez, le podcast. De relire, ou de relire ce qu'il explique, parce que c'est très éclairant sur les Jeux paralympiques. Thomas VDB, c'est le retour, moi, donc on entend un jiggle qui envoie la patate c'est devant le retour, Patrice Lecomte. C'est le retour des Actualisiques. Pousse avec François Fillon, François Fillon, il est excellent. Ok, des fois il a mal au dos, mais quand même il est excellent. Voilà, c'est le retour de l'actualité. Il est de retour. Hein, avec mes excuses pour ceux qui sont en train de conduire. Alors là, je chantais, on a du mal à imaginer peut-être Bruce Springsteen en train de chanter comme ça, qui est chanteur de gauche par excellence, faire une chanson de soutien à François Fillon. Et pourtant, cette semaine, il y a un chanteur qui a dit, je cite, alors je sais pas vous, mais en tout cas, moi je trouve que François Fillon, c'est un mec bien. C'est un mec honnête et je voterai pour lui s'il gagnait la primaire. Et ce chanteur, c'est Renaud. C'est Renaud qui soutient François Fillon. Alors moi, il y a énormément de morceaux de Renaud que j'adore, donc ce sera un peu facile de lui tomber dessus juste à cause de ça. Mais quand même, on met des photos de cancéreux sur les paquets de cigarettes. Je pense que sur les bouteilles de Ricard, à partir de maintenant, on pourrait marquer, attention, l'abus d'alcool peut provoquer des opinions politiques totalement aléatoires. Hein, parce que moi, quand je me réveille après une cuite, éventuellement, ça arrive que je me dise « Oh, j'ai gueulé dans la rue hier, j'ai fait n'importe quoi. » Renaud, il va se réveiller et dire « Eh merde, j'ai voté François Fillon. » Je pense que voilà. Alors, je sais pas s'il y a peut-être des chanteurs connus qui sont en train d'écouter l'émission. Sachez que voilà, on ne veut pas vraiment savoir pour qui vous votez. Ça nous intéresse pas vraiment. Moi, c'est vrai, quand je suis dans l'isoloir, je me dis pas, mais que ferait Alain Souchon là, à ma place? C'est vraiment pas un truc très important. Bah, lui, pour on moi. Sait. Alors voilà, parce que quand on est musicien, voilà, on fait des accords sur une guitare ou un piano, voilà, on fait pas des accords avec un homme politique. Homme politique qui, en général, joue moins de la guitare ou du piano que du pipeau, en général. Et voilà, c'est vrai qu'il y a 10 ans, Johnny a porté son soutien à Sarkozy, déjà. Bon, alors, ça compte pour du beurre, parce que Johnny, il a toujours soutenu ce qui marche. Hein, il a soutenu les pattes d'éléphant quand c'était à la mode, il a soutenu les blousons noirs quand c'était à la mode, il a soutenu Sarko quand il était président. Vous vous rendez compte qu'il a même soutenu Zazie en pensant qu'elle était numéro 10 de l'équipe de France de foot. Voilà. Espérons quand même que Marine Le Pen ne passe pas au second tour. Finalement, je dirais que le seul qui déçoit pas, celui qui change jamais, qui reste droit dans ses bottes de droite, c'est Sardou. Hein, réac il était et réac il est resté. Alors en même temps, ces stars qui vieillissent mal, c'est compréhensible. Regardez par exemple, je sais pas, Michel Polnareff, c'est vrai qu'il était adulé, il a connu les femmes, la célébrité et la gloire, mais aujourd'hui tout le monde l'a oublié, à part Pascal Obispo, évidemment, hein, qui, je crois, pense très souvent à Michel Polnareff. Bien sûr, c'est pas possible non plus, je dis ça, mais de savoir comment les chanteurs morts auraient évolué non plus politiquement. Hein, c'est vrai que voilà, on peut pas savoir, je sais pas, le courant politique qui aurait branché Claude François s'il était encore là aujourd'hui. On peut pas savoir ça. Puis quand tu vois comment certains chanteurs qui meurent jeunes finalement deviennent mythiques, ben je me dis que pour devenir mythique, est-ce qu'il vaut mieux pas tout simplement mourir jeune que de mal vieillir? Hein, je pense que ça aurait pas systématiquement bien tourné. Les gens, ils sont là, ouais, Jim Morrison, quand tu regardes bien, c'était un dieu. Ouais, non, c'est pas aujourd'hui, on est en 2016. Et si ça tombe, Jim Morrison, il soutiendrait Donald Trump. Et il irait chanter dans les concerts, dans les meetings de Donald Trump. Come on, Donny, light my fire. Et on sait pas, ça tombe. D'ailleurs, il venait souvent en France. Ça tombe aujourd'hui, il aurait la double nationalité. Et il serait à fond, ouais, on est avec Bruno Le Maire. On n'en sait rien. Ça tombe. Jim Morrison, aujourd'hui, en 2016, il soutiendrait Bruno Le Maire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il me dit que moi-même, je vais pas basculer un peu vers la droite en vieillissant? C'est vrai que je dis ça parce que j'approche les 40 ans, et je sais pas vous, mais moi, la Sistana, je trouve, ça commence vraiment à bien faire. Et voilà, je suis à France Inter depuis 8 ans, et je vous le dis, c'est pas impossible que l'année prochaine, je passe sur RMC. Voilà, donc bonne rentrée à tous, bonne année électorale, et surtout, bon courage pour cette année électorale. Merci Thomas VDB, bravo. Restez avec nous, Thomas. Non, restez. Non, ça fait combien de temps que vous êtes sur France Inter? Ça va faire 8 ans, quand même. Il faudra fêter ça. Hein, allez, hop, on a écoutez. Un petit jeu de mots d'un auditeur sur Twitter, hashtag annule tout, qui dit j'ai embrassé un fisc. Jeu de mots avec la dernière chanson, j'ai embrassé un flic de Renaud. Et qui est ce Alors c'est compliqué à dire, hein. Van Gerovitch 3. Très bien, mais voilà, je pense pas que ce soit son vrai nom. Vous êtes sur France Inter et donc le jingle de Thomas VDB a éclaté les oreilles de notre équipe aussi. Hein, Nathalie Romero à la préparation avec Sarah Masson et Irène Menahem, à la réalisation Benjamin Riquet et à la technique où ils ont... non plus d'oreilles, Sacha Trope et Patrick Antena. Nous sommes avec Patrice Lecomte et on va aborder un dernier sujet avec vous. Une start-up anglaise qui pense avoir trouvé le remède contre les navets au cinéma. Elle a créé un algorithme qui permet de corriger les scénarios. Et voici ce que cela donne quand l'algorithme rédige de A à Z une histoire. Tu as écouté le dernier Jay-Z ? Tu dis ça parce que je suis noir ? Con. Non mais carrément que je l'ai écouté, il déchire de ouf. Trop badass. Tellement, on paye ma gueule. Bouya. Allez viens, on va détruire l'espèce humaine. Grave. Un sketch de Golden Moustache. C'est une information entendue dans le 5-7 de France Inter, la chronique de Catherine Boulet qui nous explique. Voilà, en Angleterre, une start-up a inventé un algorithme pour corriger les scénarios. C'est-à-dire qu'ils ont scanné des tas de scénarios de films qui ont très très très bien marché. Ils en ont déduit des statistiques. Et puis on peut passer au scanner les scénarios pour voir si ça va marcher ou pas. Il paraît qu'à Hollywood, les plus grands studios ont déjà testé le logiciel. Est-ce que c'est l'outil qui fait rêver, ça, Patrice Lecomte ? Nos yeux se lèvent au ciel. Ça me fait cauchemarder. Moi. Ah ouais. Et parce que déjà, s'ils avaient été un peu consciencieux, ils auraient dû non pas scanner ou étudier que les succès, mais ils auraient dû étudier tous les navets aussi, pour savoir pourquoi c'était les navets. Pourquoi ça marche pas ? Ouais. Pourquoi ça marche pas ? Et puis, si ça me fait cauchemarder, c'est parce que si le cinéma devient une science exacte, c'est un art de liberté, d'imagination et tout ça. C'est exactement comme si il y avait des fiches cuisine qui vous assurent de bien sûr, le plat va être délicieux, vos invités vont se régaler. Mais là, c'est pas vrai, parce que là, il y a une recette qu'on peut suivre. Non, mais les gars, cette machine, elle existe. Elle existe depuis 35 ans. Elle s'appelle Thomas Bidoguin, la machine. Non, pas du tout. Justement, on se bat contre une façon de formater le cinéma, mais on voit bien que les scénarios américains et la façon de raconter les histoires est extrêmement normé. Oui, mais juste en deux mots et demi, peut-être trois, mettons quatre et n'en parlons oui, plus. Oui, vous avez le temps, le cinéma n'est pas une industrie. Je sais que c'est une industrie aussi, mais c'est un art quand même. Et c'est un art de prototype. C'est-à-dire qu'on nous demande à nous, et je suis heureux de ça, de fabriquer des soucoupes volantes. Et surtout pas de fabriquer des choses qui ont déjà été fabriquées 12 fois, 15 fois, 30 fois. Si on commence à fabriquer des trucs qui existent déjà et dont on sait que ça va plaire aux gens, ça leur plaira plus aux gens. Ça s'appelle la télévision. Non, ça s'appelle aussi le cinéma, parfois le cinéma américain. Mais ce qui est vrai, c'est que les gens, c'est pas méprisant. Les spectateurs, les personnes auxquelles on s'adresse, on a envie de leur plaire. Et pour plaire aux gens, c'est comme dans la vie, c'est comme dans la rue, c'est comme dans les rapports amoureux, c'est comme dans nos rapports à nous tous. Il faut surprendre. Et avec cette espèce de connerie, de start-up, de truc, je sais pas quoi, de logiciel... C'est pas de ma faute, mon algorithme. Mais la start-up s'appelle Epagogix. Oui, et bien ça... Les oreilles. C'est contraire à toute notion d'imagination, de fantaisie, de légèreté, de... Et donc, si je suis jeune scénariste, je vous amène mon scénario, il n'y a aucun moment où vous allez me dire « Ah mais non, ça se fait pas ». Vous allez me dire « Ça se tente ». Non. Ah. C'est pas ça. C'est que si votre scénario est brillant, différent, décalé, original, inattendu, enfin tous les adjectifs que vous voudrez, s'il est novateur, je vous dirais c'est culotté mon vieux, mais vas-y. En revanche, ce que je pourrais vous dire, c'est tiens, là, tu crois pas que ce serait plus intelligent, plus malin si tu supprimais cette scène pour qu'on ait la surprise, je sais pas quoi. Enfin, c'est ce qui pourrait piquer le boulot de Thomas Bidoguin. Comment ça s'appelle aussi quand on est scénariste et qu'on chapeaute aussi les scénarios presque finis et Script Doctor. Doctor. Ah, Script Doctor également. Oui, alors ben voilà, il y a un Doctor, il y a une appli, l'appli Doctor, c'est ça ce que j'essaye de vendre. Va créer la mais vôtre, après, à si Bidoguin. Ces types ont réussi à trouver des gars qui leur achètent leur bousin, après, c'est qu'ils les ont bien arnaqués. Parce que moi, je crois pas une seconde, je suis... Mais non c'est, plus. Franchement, c'est une arnaque. Pour conclure, ce que je dis, c'est pas pour défendre notre merveilleuse profession, c'est pas ça. C'est pas un combat d'arrière-garde. C'est que je trouve ça navrant d'imaginer que le cinéma puisse être comme ça. Et juste un mot, est-ce qu'on aurait pu imaginer l'équivalent pour conseiller à Monet de mettre du rouge plutôt que du vert sur sa toile. Ben voilà. Et voilà, très belle conclusion. C'est sûr qu'il y a un algorithme qui peut le faire. Oui, mais est-ce qu'il y a un algorithme si... pour Frédéric Fromet ? Frédéric Fromet, mais on l'a cassé. Là, saison 3, de quoi allez-vous nous chanter ? Eh bien, je me devais de prendre la mer. Ainsi parlait Emmanuel Macron après son départ en navette sur la Seine. C'est pas Macron qui prend la mer, c'est la grand-mère qui prend Macron. Coucou Brigitte. Lui, le bateau, il l'a pris, je me souviens, un mardi. Suivi par BFM sur la Seine à Paris. Il a filé sa dem, mais pas son costume gris. Il a écouté sa cougar qui lui disait « Sois prudent, Bercy c'est des vicelards, DSK baisait dedans. » Dès que Macron soufflera, il fera talassa. Dès qu'il y aura les élections, vous voterez Macron ou Fillon comme Renault. Il était un petit navire, il était un petit navire. Suivi par toutes les télés, bien plus qu'en mai, Méditerranée, quand c'est des migrants. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, mieux que Taubira et son vélo, mieux que Hollande et son pédalo, même si j'ai l'air d'un bigorneau. Ô sombrero de la mer qui a fait du pognon au sein de la banque Rothschild. Toi qui vois les ouvrières comme de pauvres illettrés, inférieurs et stupides. Always lost in Bercy. Always lost in Bercy. Face à la mer avec ma cravate, de quoi j'aurais l'air. Dans une régate, Bercy, je te quitte et je rejoins Brigitte. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la navette avec les télés pour escorte. Et j'ai quitté mon ministère comme une vedette pour aller faire du porte-à-porte. Si on m'avait dit que je mettrais un jour Garou, Macron, ton petit bateau qui va sur l'eau, est-il en marche? Mais oui, mon gros bêta, s'il marchait pas, je ferais de l'autocar. Macron, ton petit bateau qui va sur l'eau, est-il de gauche? Allons, mon gros bêta, qu'est-ce que tu vois, Matt, mon costard? Rêve d'être milliardaire. Quand tu seras grand, tu sauras comment faire pour exploiter les gens. Macron, ton petit bateau qui va sur l'eau, il est pas beau. Et puis c'est tout. Ouais, merci Frédéric Fromet. Et le tout sans algorithme. Merci Patrice Lecomte d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle que vous réalisez plusieurs épisodes de cet excellent programme court qui s'appelle Vestiaire, qui est diffusé sur France 2 après le journal de 20h. Vous pourrez le voir à partir du 7 septembre jusqu'au 18. Et puis après, ça reprend en novembre jusqu'en janvier. Et il y a aussi des épisodes de la série, dont le vôtre, qui vient d'être sélectionné au Festival de la fiction télé de La Rochelle, qui se déroule à la mi-septembre aussi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous. Alors je vais vous donner, je vais vous dire. Par exemple, lundi, on reçoit Salomé Lelouch. Ah chouette. Pour une pièce qui s'appelle Politiquement Correct. Donc je pense que on va parler politique, évidemment. Et puis vendredi, ça nous changera. Et vendredi, nous serons à Nancy pour le livre sur la place. Voilà. Donc, merci à vous, les amis. Merci beaucoup. Merci à Philippe. Patrice Lecomte. Voici le mot de la fin qui répond à la question : faut-il supprimer l'ENA ? Prenez un Villepin ou un Jospin. Ben, ces mecs-là, ils ont beau avoir fait l'ENA, mais mettez-les à un carrefour pour voir. En 2 minutes, il y a un embouteillage. Comme tous les matins, j'étais sur le trajet du taf. Comme tous les matins, je marchais la tête un peu dans le sac, les yeux rivés sur mon portable. Ce matin-là, j'ai pas fait gaffe en traversant le boulevard. Et je me suis fait faucher par une voiture. Aujourd'hui, mon seul trajet, c'est entre mon lit et ma salle de bain. Mon frère veut tout arrêter pour s'occuper de moi. Mais cet accident, c'est le mien. Je le laisserai pas foutre sa vie en l'air. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ? Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30 euros par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Aujourd'hui, l'info s'écoute. L'info se regarde. L'info se suit. L'info se commente. L'info se partage. L'info, c'est France Info. Aujourd'hui, France Info, c'est une radio, une application, le site franceinfo.fr et une chaîne de télé sur le canal 27 de la TNT. France Info. Deux points, ouvrez l'info. Sur France Inter. Bonsoir Nicolas Demorand. Oh ben non, Charline. Eh ben alors. Mais c'est Claire Servageon. Mais c'est Claire Servageon, pas le vendredi. Pour fille. Bienvenue Claire. Bonsoir Charline. Bon week-end à vous. Puis à lundi. À lundi. Et bonsoir à tous. Reportage, décryptage, témoignage, c'est la recette du 18-20 du vendredi sur France Inter. Deux heures d'infos avec tout d'abord à 18h15, une semaine en France, pour s'interroger sur l'état de la France de 2016. Ce soir, on parlera pauvreté et solidarité. Ce sera d'ailleurs le thème du téléphone sonne à partir de 19h20. Mais d'abord, le journal de Florence Paracuelos. Bonsoir Florence. Bonsoir Claire, bonsoir à tous. À la une, ce soir, un ministre pour faire baisser la tension à Calais, Bernard Cazeneuve, qui annonce encore un démantèlement de la jungle. Il est en train de l'expliquer aux